Rien remplace le geste, même pas le cadeau. Rien remplace l'amour, même pas le geste. Rien remplace le geste, même pas le cadeau. Rien remplace l'amour, même pas le geste. Je préfère la simple présence d'un pote que le cadeau d'un ennemi. Rien ne remplace l'amour de ta mère ou le soutien d'un ami. Rien ne vaut la force d'un père, la présence d'une famille. Un sourire, un échange ou un lien qui se tisse. Regarde la valeur des cœurs, y'a que le geste qui compte. Vois la valeur des âmes, mais pas celle de nos comptes. Une personne au grand cœur est plus riche qu'une au gros porte-monnaie. Vaut mieux un pote les bras ouverts que qui te claque la porte au nez. Rien ne remplace les bons moments qui sont inoubliables. Des sourires ou des souvenirs qui sont irretrouvables. Rien ne vaut l'innocence de ton enfance quand j'y repense, ma nostalgie est trop intense. Rien ne remplace l'amour, même pas le geste. Mais la preuve d'amour, c'est déjà un très grand geste. Rien ne remplace le geste, même pas le cadeau. Ni le cadeau, ni le reste. Rien ne remplace l'amour, même pas le geste. L'amour d'un père et d'une mère pour toujours. Rien ne remplace le geste, même pas le cadeau. Ni le cadeau, ni le reste. Et d'une mère pour toujours. Les gens sont forts et l'amour n'est plus sincère. Le bonheur est fourbe depuis qu'en nous la peine s'insère. Plus je vis, plus ça ressemble à une mise à mort. Je partirai comme je suis arrivé, seul, mis à mort. C'est en s'émancipant qu'on sera maître de nos sorts. C'est en s'émancipant que de la déception s'en sort. Pour ne pas être déçu, faut se contenter de peu de choses. Mais moi j'ai rien, donc je me contente, ma rime en prose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À part que la peine nous rassemble face à l'amour. Pauvre ou riche, on se ressemble, on se ressource. Sur des tristes sens, c'est simple, ma tristesse m'inspire que des tristes sons. J'ai l'impression de mourir en silence, d'avoir les pieds dans le ciment, que traîne la joie et silence. Si l'on s'y prête au jeu, le mal nous abattra. La mort, on n'en rigole pas. La faucheuse, c'est pas un bâtard. Sale bâtard, nous, on nous abatte pas. On s'est démerdé, pas comme ses fils à papa. Putain, ici, ça devient dur d'être footballeur. L'espoir est mort depuis que j'aurais pu d'être footballeur. Le monde n'est pas magique, y'a pas que des David Copperfield. Comme mes compères flics, tu te demandes quoi. Opère-t-il la familia fait qu'elle face à l'épreuve. Même si ça l'éprouve, faut encore trouver l'épreuve. Rien remplace le geste, même pas le cadeau. Ni le cadeau, ni le reste. Rien remplace l'amour, même pas le geste. L'amour d'un père et d'une mère pour toujours. Rien remplace le geste, même pas le cadeau. Ni le cadeau, ni le reste. Rien remplace l'amour, même pas le geste. L'amour d'un père et d'une mère pour toujours. Si c'est le geste est important, ne me tends pas de billets. Retourne-toi vers l'amour dans lequel tu as pu te baigner. Le geste c'est pas l'argent, fratel. C'est l'amour, être pauvre c'est pas argent. Mais être seul, c'est la mort. Mais c'est la vie qui veut ça. On se contente de ce qu'on a, on avance à bout de bras. Mais Scupi dans ce connard, c'est tout ce qu'on a, on le mérite. On pourra pas nous l'enlever. Notre début difficile, on pourra pas nous l'envier. Rien ne remplace le geste, même pas le cadeau. Rien ne remplace l'amour, même pas le geste.